لاجر كلي نار لو الفوير عم نو عبر داب دشتي كوشو عم دي سي پر نو مبي بوريك نوير يرو بان بو فيت كده فول تاكو هل فوكي بارتي لديابلان بورتو ما دي مت بي لوان لشارو دفورسو Il courait vivement, il croyait au foutu, quand il vit bramant, chertait sur le talus. À l'isole, les gazettes du Morvan, les couéchots se sauvaient dans les champs. Son berdin et vaut pas de casser, les bourriquets toutes des forêts. Il soignait son berdin pour cheti, poignet bain pour ramener les bourriques. Mettez l'âme dans le charabon, maleline tranquillement, à l'isole les gazettes du Morvan. Le jour que l'inar mério son adèle, manquiez tout le parrain à feuille au yélé, rendez-vous et tôt, elle est morvandelle, et 10 h 15 tout le monde étonné, le linar manco. C'est embêtant, surtout qu'à l'étau du plus proche parent. Il tenait toutes les rues, caillez-vous dans le quartier, quand il vit vraiment au square parmentier. À l'isole, les gazettes du Morvan, il y vint donc ses vins contentants. Les voitures filées et les mairies, tout est au propre cérémonie. Le maire épelle le linar pour signer, point de linar assez tôt éclipsé. Camp les croisies en regardant, Pierre Voltaire le vieux sulban, à l'isole les gazettes du Morvan. Le jour du banquet de les morvandelles, le linar peu moyen est invité. Il ne gère tellement pas de vieux peu de pernale. Café est monté dans les cabinets. À rentrer le premier, il y dit gentiment, il ne me sent pas bien, reste pas trop longtemps. Y étant des honneurs, le ventre me tortillo. Quand pour le trou de l'essareur, il regardait ce cafio. À l'isole, les gazettes du Morvan, il foutait Dior, ma scène est au putain. Y'ai-vous tout lâché dans mes culottes, il dit que mon c'est resté au moins devant les portes. Dans le privé, agnez-vous, plus de papier, il y demandé un journaux pour me torcher. M'allez-vous foutu le camp, il leur trouvait au restaurant, à l'isole les gazettes du Morvan.